19h30 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous de la musique qui décrasse les tympans et qui grille quelques neurones au passage et rend complètement chaud. La preuve, on est là depuis bientôt 15 ans. Mine de rien, le temps passe très très vite. Donc, ce soir, des petites douceurs, bien évidemment. Il y aura donc quelques nouveautés qui seront au nombre de 4 ce soir. Et aussi des petites choses un petit peu anciennes, des trucs qui datent de plusieurs années, voire même décennies, histoire de se remémorer quelques bons souvenirs également. Voilà, vous savez un petit peu, voilà, un petit aperçu donc de ce que sera l'émission de ce soir. Donc je vous rappelle que c'est tout simplement un petit survol du métal avec tous ces genres et tous les sous-genres qui composent donc ce style musical quand même très riche. Comme je vous le disais à l'instant, il est 19h30 et 19h30, c'est quoi? C'est l'heure de l'apéro. Alors, on va s'en jeter un petit avec Boisson Divine, le groupe Gascon qui nous a sorti donc son 3e album fin mai et qui fait vraiment partie des coups de cœur d'Electric Shock. Ça, si vous êtes fidèles auditeurs, vous le savez parce que depuis que on l'a reçu sur 10 morceaux, ce sera ce soir comme la 8e diffusion quand même. Excusez du peu, c'est pour vous dire qu'on aime bien. Alors, Boisson Divine, c'est un groupe assez particulier puisqu'il mélange le métal avec la musique folklorique gascon. En plus, il chante en gascon. Alors, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Du coup, ça donne un mélange très intéressant. Au départ, ça pourrait paraître un petit peu, un peu surfait. Je pensais au départ à un groupe genre un petit peu Hellstorm ou Fintroll, un truc qui donne envie de picoler, etc. Et en fait, non, c'est très très bien foutu. Vous le savez, bien sûr. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs, parce que vous connaissez bien évidemment. Alors le morceau de ce soir, comme je connais Paul Gascon et mon accent doit être vraiment épouvantable, s'appelle Xivalies de Zentrala, donc extrait de la Hala, sorti au mois de septembre. À la bonne vôtre. Ennemi de la caune, caparimonisé, Les Finlandais Dancy Ferrum avec Elusive Riches, extrait de From Afar, qui était leur quatrième album sorti en 2009. Eh oui, déjà un peu plus de 11 ans. Si vous êtes fan, bah vous ne devez pas ignorer que le tout dernier Thalassic est sorti donc cette année. Juste avant Dancy Ferrum, Boisson Divine avec son dernier album là, sorti fin mai, leur troisième, mais c'était le morceau Xivalière des Centrala. Je m'excuse donc pour l'accent, le Gascon et moi, ça fait deux. Je m'excuse également pour le petit loupé technique, j'avoue, c'est entièrement de ma faute avec Dancy Ferrum. On change de style parce que c'est ça, Electric Shock, c'est tous les styles de métal et tous ces styles avoisinants. On va se faire du punk rock bien de chez nous puisque ça nous vient d'Eure-et-Loire avec le premier album de Two Headed Dog que je vous avais présenté la semaine dernière qui s'intitule Under the Radar. Et on va se faire un petit morceau qui envoie bien du bois comme on dit avec Four Headed Man. We'll be right back. bien énervés, n'est-ce pas, les Rennais de Tagada Jones et leur album L'Envers du Décor, sorti en 2004. C'était le morceau Inculte. D'ailleurs, fans de Tagada Jones, eh bien, le prochain album sort là le 30 octobre, tout chaud, tout bouillant. Et ils n'ont rien perdu de leur verve. Il faut dire que bon, quand on écoute bien les textes, il y a tout, ils sont toujours en rogne après l'actualité. Quand on voit ce qui se passe actuellement, bah, je crois que rien n'a changé, hein, en 15 ans de temps, c'est clair. Juste avant Tagada Jones, donc, Too Edit Dog et son premier album Under the Radar, c'était le morceau For Edit Men. Je vous avais dit en début d'émission qu'il allait avoir des nouveautés, bien sûr. Quatre ce soir. On va se faire la première. Alors, même si le produit en question que je vais vous parler, il a déjà 6 mois, puisqu'il est sorti au mois d'avril, mais j'en ai eu connaissance de sa sortie que récemment. C'est le nouvel album du groupe Absolva. Alors, Absolva, ça va peut-être dire quelque chose à certains d'entre vous. Absolva, c'est les musiciens qui accompagnent Blaze Bayley dans ses aventures. Et en même temps, c'est un groupe à part entière. Et d'ailleurs, souvent, l'ami Blaze Bayley, l'ancien chanteur d'Iron Maiden, donc on part en tournée, bah, il emmène Absolva en première partie. Ça permet de faire un coup double, en fait, en quelque sorte. Et on a eu l'occasion de les voir deux fois à Orléans. Ils étaient venus au Blue Devils. Et c'est là que je les avais découverts. J'avais vraiment adoré. Et c'est récemment, en pensant à ça, je me disais, tiens, au fait, lors de leur concert l'année dernière, justement pour la partie de Blaze Bayley, ils avaient dit qu'ils sortiraient un album pendant l'année 2020. Est-ce qu'il est sorti? Et puis je me suis renseigné, je me suis aperçu qu'il était déjà sorti depuis le mois d'avril. Donc du coup, j'ai voulu l'obtenir parce que j'avais vraiment adoré leur prestation scénique. Musicalement, c'est clair que c'est peut-être pas le groupe le plus original de la planète. Ils ont bien digéré les influences Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, ça c'est indéniable. Mais en même temps, on peut pas dire que c'est du copier-coller. Ça reste dans l'esprit de ce qu'on appelait la New Wave of British Heavy Metal, tous ces types de groupes des années 80. Et toujours est-il que ce Side by Side, qui est leur album sorti là au mois d'avril, comme je vous le disais, mais qui est tout nouveau pour nous ce soir, bah, il restitue bien cet esprit avec un son très actuel. Et d'ailleurs, normalement, un live devrait sortir à la fin de l'année. Bon, bah, j'espère que j'arriverai à me le procurer pour vous diffuser ça à ce moment-là. Eh bien, pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui connaissent, ça fera plaisir de s'y retrouver. Un petit extrait donc de cet album, et c'est le morceau Living a Lie. We'll be right back. petit détour par la Suisse où on a retrouvé les charmantes Burning Witches et leur nouvel album Dance with the Devil sorti au printemps dernier, c'était The Sisters of Fate. Tout nouveau, tout beau, tout chaud, c'est le dernier Absolva, voilà la première nouveauté donc de la semaine, Side by Side, et c'était Living a Lie. Maintenant, tiens, faisons-nous un petit peu de live, et pour ça, on va retrouver le CD DVD Blu-ray de Kemlo, qui est sorti donc cet été au mois d'août. I Am the Empire, Live from the Zero 13, donc enregistré en 2018 en Hollande, un de leurs fiefs. Et on va les retrouver là pour un de leurs morceaux extraits de l'album Haven, qui était l'avant-dernier album studio, qui était sorti en 2015, avec ce morceau magnifique qui est Under Grey Skies. Enjoy. Call me a dreamer, call me a fool. Jolie doublette, n'est-ce pas, extrait donc du CD, DVD, Blu-ray de Kemlo, I Am The Empire, Live From The Zero 13, enregistré donc en septembre 2018 à Tilburg, en Hollande. Ravenlight à l'instant et Under A Grey Skies. Ça fait du bien de réentendre ça de temps en temps. Changeons encore complètement de style avec quelque chose de beaucoup plus blues, avec un des espoirs du rock américain. C'est le groupe The Last International, qui a sorti son troisième album Soul on Fire il y a de ça un peu plus d'un an aux States, mais il est sorti chez nous en Europe là au printemps dernier. Et The Last International normalement devait faire la première partie de Kiss là au mois de juin. Je pense que ça aurait été une très grande opportunité pour eux. Enfin bon, normalement si tout va bien, on aura la chance de les revoir l'année prochaine, puisque le concert de Kiss a été reporté au mois de juin 2021. Enfin, wait and see pour ça, voilà. Un petit morceau donc de cet album très intéressant. On va se faire Fifth World. We know how to stop it. helping hand, yeah. I got nothing from the man, but I got music in my soul. Come on, baby, let it take control. Yeah, I got nothing from the man. Come on, baby, don't you understand? But I got music in my soul. Come on now, let it take control. Come on now, let it take control. Yeah, I got nothing from the man. No money, no helping hand, but I got music in my soul. Come on, baby, let it take control. Come on, baby, let it take control. Yeah, I got music in my soul. Come on, baby, let it take control. Yeah, I got music in my soul. Come on, baby, let it take control. Yeah, I got music in my soul. Come on, baby, let it take control. Let it take control. Yeah! C'était donc The Last International avec le morceau Fifth World, extrait donc de Soul on Fire, comme je vous le disais, sorti il y a de ça un peu plus d'un an aux States, mais par contre sorti au printemps dernier chez nous. À voir en concert prochainement, à suivre, on ne sait jamais avec ce putain de Covid. Deuxième nouveauté de la soirée, alors là avec un groupe pur hard rock, hein, qui cherche pas midi à 14h, qui s'appelle The Electric Devils. Pourquoi j'insiste bien sur le H aspiré? Parce que c'est non pas électrique comme électrique choc, mais hell comme l'enfer. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est un groupe qui s'est formé en 2017 et qui a déjà sorti plusieurs démos. Ils viennent de sortir leur premier album, qui s'appelle The Electric Club. Excusez-moi pour la prononciation, tout simplement. Alors c'est un gros un mélange de thrash, de punk, de heavy, de rock. Ça fait il y a des morceaux, on peut penser à du AC/DC mélangé avec du Motorhead, avec un côté Pistols. Vraiment un groupe intéressant à voir en concert. Mais enfin bon, en ce moment donc on se contentera de l'album. Voilà, donc pour vous dire que le groupe quand même a déjà fait comme des belles choses, puisqu'il a fait comme des premières parties de Tigers of Pantang, de Killers, des Sticky Boys, et en même temps il a déjà tourné en Espagne entre autres quand même. Voyez-vous ça. Donc on va se faire un petit extrait de cet album, si vous voulez bien qu'on le découvre ensemble. Tout d'abord, le morceau donc, Les Faces de Devil Curse, Part 1. We'll be right back. Suckers! Put a spell on me forever. Forget these pearls, I will never. Warm me with a sail. Grab my heart, steal my guts. Thinking of her just drive me nuts. Surrounded by thousand foxy eyes. Only one got diamond that black, making my heart hit in the sack. C'était Explorer 4, et non, je vous répète encore une fois, Explorer 4, ce n'est pas le nom du dernier smartphone à la mode, pas du tout. C'est un groupe de heavy metal qui existe depuis une bonne dizaine d'années, qui nous vient de Montpellier, et qui a déjà sorti son troisième album Space Explorer 4, que je vous ai présenté il y a quelques semaines, et c'est un album extrêmement varié, puisqu'on y trouve des morceaux très hard rock, comme ce Black Eyed Woman qu'on a eu à l'instant. Et si vous vous souvenez ce qu'on a passé les semaines précédentes, on a eu des morceaux très heavy, assez proches de Judas, et voire même pas loin de fait de Dream Theater, parce que le morceau qu'on nous a passé la semaine dernière avait une ambiance assez proche de Awake, si je me rappelle bien, voilà. Et juste avant Explorer 4, deuxième nouveauté de la soirée, un tout jeune groupe qui s'appelle The Electric Devils, qui vient donc sortir son premier album The Electric Club, et on a eu Live Fast, The Devil Curse Part 1. Là, j'étais en ligne à l'instant avec l'ami Chris des Iron Troopers et aussi de son nouveau groupe Prisma, qui je pense viendra prochainement nous parler de ce projet et bien d'autres choses. Justement, en écoutant ça, The Electric Devils et autres, j'ai pensé à ça, et d'ailleurs il me l'a fait rappeler qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Fred Malon, bien sûr, Metal Maniac, qu'on n'oublie pas, bien évidemment. Et d'ailleurs, si Electric Shock est là, c'est ni plus ni moins que grâce à lui. Et je peux vous dire, franchement, je peux vous le dire, il n'y a pas une émission où il y a un moment où je ne pense pas à lui en passant un titre ou en faisant un truc ou autre. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà, c'était un petit coucou à Fred. Je ne sais pas où tu es, mais si tu nous m'entends, coucou. On est toujours là, fidèle au poste. Bon, on se fait un petit peu de trash made in Bay Area, si vous voulez. Ouais, moi j'ai bien envie de revenir, tiens, à l'album de Hazen que je vous ai présenté la semaine dernière. Hazen est ce qu'on appelle donc un groupe culte, c'est-à-dire un groupe qui n'a jamais rien vendu, mais qui est devenu légendaire auprès des fans et que du coup tout le monde a entendu parler sans en avoir écouté vraiment. Il faut dire que le groupe existe depuis 1984, c'est pas des perdreaux de l'année, c'est clair, mais leur nombre d'albums est 4 simplement, puisqu'on a eu Breaking the Silence en 87, le premier qu'ils avaient fait découvrir. On pensait qu'à l'époque, ils allaient casser la baraque, mais non, ça n'avait pas fait. Il avait fallu attendre 4 ans pour avoir le successeur, c'était Victims of Deception, qui était très très bon aussi. Et là, après, on pensait bien qu'ils faisaient partie de nos chers disparus. Il a fallu attendre 2009 pour voir un nouvel album, The Evolution of Chaos, dont on avait passé d'ailleurs beaucoup d'extraits dans Electric Shock, parce que je l'ai bien apprécié. Et il a fallu attendre maintenant 2020 pour que The Evolution of Chaos donne un successeur. C'était Empire of the Blind qui est sorti fin septembre et je pense qu'il va suivre le même trajet que son prédécesseur. Eh bien, on va s'envoyer tout de suite, pourquoi faire ça compliqué, hein, tout simplement le titre qui donne son titre à l'album, Empire of the Blind. Yeah. 20h35 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, je vous rappelle que les nouveaux horaires d'Electric Choc sont le mardi soir entre 19h30 et 21h30, horaire Covid oblige, voilà. For All Kings, c'était le morceau d'Anthrax à l'instant, extrait donc de l'album du même nom, qui est leur dernier en date, qui était sorti en 2016, donc ce serait peut-être sympa qu'ils nous ressortent un nouvel opus. Tout chaud, tout bouillant par contre, bah celui-là on l'attendait depuis plus de 10 ans, c'est le nouvel Aizen, leur 4e Empire of the Blind, et c'était le morceau Empire of the Blind. Maintenant, continuons toujours trash mais plus moderne avec un désespoir français, je pense, avec un tout jeune groupe qui s'appelle Despite the End, que je vous ai présenté il y a quelques semaines, qui viennent de sortir donc leur premier EP. Or que ça fait même pas un an qu'ils existent, ils s'appellent Butterfly Effect, et franchement je pense que là, si le groupe ne se s'aborde pas en plein vol, je pense que on tient quelque chose de très sérieux. Donc extrait de ce fabuleux EP Butterfly, c'est tout de suite The Change. We'll be right back. Վերջին անգամ երգինք Պոց գրակ նխած ու ծխած Մարդը զարկացել Ստեղծել և կառուցել Այս բոլորը քանդել և պշխել Despite the End avec The Change et puis ce qu'on appelle l'outro, oui, c'est la version intro, qui a donné son nom au groupe Despite the End. Voilà, c'était. Vous êtes bien d'accord avec moi, ça je pense que ça a tout pour cartonner. Bah tiens, on va revenir à des petites choses sorties ces dernières semaines. Enfin, c'était sorti au printemps dernier, mais bon, Covid oblige, on a pu passer ça qu'il y a quelques semaines. C'est le deuxième EP de Needle Sharp, groupe qui existe depuis 2012. Groupe de métal à chanteuse, aussi bien influencé par Deftones que Bring Me the Horizon, Rage Against the Machine, etc. Donc, rock très moderne. Comme vous avez pu le constater sur ce EP qui s'appelle Dark Light Effects, donc on va faire un petit extrait. On va se faire un petit morceau qui s'appelle What You Learn. Thank you. Moment avec un petit extrait de son dernier album studio Mother, et c'était le morceau Born in Flames. Juste avant In This Moment, bien chez nous, Made in France, le deuxième EP de Needle Sharp Darklight Effect, sorti donc au printemps dernier, et c'était le morceau What You Learn. La suite, c'est toujours du Made in France, et ça aussi, c'est pour moi un espoir, un groupe vraiment qui m'a foutu une belle claque, que je vais présenter il y a de ça deux semaines. C'est l'album de premier album de Trunk, groupe qui au départ, quand j'ai vu la pochette, ça m'avait pas spécialement transcendé, mais par contre, quand j'ai placé le CD sur ma platine, je dois avouer que waouh, j'ai pris une bonne claque au niveau professionnalisme, au niveau originalité, enfin bref, tout est là. Pourtant, il y a plein d'influences, mais sont vraiment très très bien digérées. Aucun morceau ne se ressemble. Par un moment, on peut penser à du Soundgarden, par d'autres, on est plus proche de Pearl Jam, par un moment, on n'est pas loin de The Cure, on n'est pas loin de Depeche Mode non plus, à côté des fois. Oui, un petit côté Cold Wave, pas désagréable du tout. Tout ça, c'est très bien digéré. Bref, je pense que c'est ça aussi, comme Despite the End, c'est un groupe à suivre. Donc, on va se faire un petit extrait de The Ropes, leur album. Et le morceau de ce soir, c'est un morceau qui a des relents New Wave et même assez indus, pour pas dire techno, avec le morceau donc ce soir, c'est Shining. Keep the score on what makes you so sad. 21h01 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, vous écoutez bien Electric Shock, dont c'est la dernière demi-heure. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h30 et 21h30. Nouveaux horaires Covid. À l'instant, eh bien, je sais pas si vous avez dansé sur votre table, mais en tout cas, eux, ils ont dance, oui, ils ont dansé avec les ombres. Les messins de Chemical Sweet Kids et leur cinquième album Fear Never Dies, c'était Dance with the Shadows. Avant Chemical Sweet Kid, Made in France également avec le premier album de Trunk the Rope, c'était le morceau Shining. Et ça, croyez-moi, je pense qu'on va en entendre parler, c'est clair. Eh bien, continuons toujours avec du Made in France, avec la troisième nouveauté de la soirée, avec un petit groupe qui nous vient de la région parisienne, qui, je dois avouer, la pochette ne m'avait pas spécialement transcendé, voilà. Ça s'appelle Orkis. Alors Orkis, c'est ni plus ni moins qu'un groupe de heavy symphonique celtique à chant féminin. Vous allez dire encore un de plus, mais par contre c'est très intéressant. Le seul reproche que je ferai à ce groupe, c'est que c'est un petit promo de 3 titres. Surtout qu'il nous annonce un prochain EP de 5 titres. Moi j'aurais bien aimé avoir un album complet, parce que ces 3 titres m'ont plutôt mis l'eau à la bouche, comme on dit, parce que ça joue bien, le son est très très bon, c'est très professionnel, c'est excellent. Il y a de l'épique là-dedans, ça c'est clair. Quand un groupe dit dans ses influences, Iron Maiden, Nightwish, Moonsorrow, Epica, Megadeth, et tout ça c'est très très bien digéré. Et donc ce soir, on va faire un morceau très épique qui s'appelle Guardians of Our Lives. Donc un mélange de finesse et de puissance en même temps. Ça se joue super bien avec le côté celtique, avec les guitares. Bref, c'est vraiment super quoi. Le problème, c'est que je vous dis, il n'y a que 3 titres. Voilà. En attendant, on va découvrir tout de suite Guardians of Life, extrait du premier EP de Orkis qui s'appelle Awakening. C'est tout de suite maintenant. Thank you. toujours aussi bon, ça. Pourtant, ça a 40 ans. C'était Answer to the Master, Def Leppard. Un extrait du fabuleux coffret The Early Years 79-81. Ça, c'était extrait, donc, du live When the Walls Came Tumbling Down, live at the New Theatre Oxford 1980, qui figure donc de ce fabuleux coffret, bref, à posséder pour tous les fans de Def Leppard. D'ailleurs, vous savez que, bah, depuis qu'il est sorti, j'en passe presque toutes les semaines de ce coffret. Voilà. C'était dit. On continue, ben vous avez dit quatre nouveautés, on va continuer toujours en live avec la dernière nouveauté de la soirée. Alors là, c'est pas du métal, c'en est très loin même, mais c'est du rock, du pur rock, puisque on va se faire des extraits du live de Stray Cats, les Stray Cats qui ont fêté leurs 40 ans de carrière l'année dernière, avec un album qui était pas mal du tout, qui s'appelait 40, donc j'en ai passé quelques extraits. Et les Stray Cats étaient venus à Tours, lors du Vintage Festival, nous délivrer un concert vraiment sympa et bien péchu. Ils nous montraient que le poids des ans n'avait pas prise sur eux. À 60 balais passés, l'ami Brian Setzer, et il défouraille toujours autant. Et c'est clair que nos racines, elles viennent de là, du rock des années 50, donc on va pas se priver. Donc un petit extrait de ce live qui est sorti mi-septembre, qui s'appelle Rock This Town From LA to London. Bon, par contre, le livret assez pauvre, on sait pas où ça a été enregistré, voilà, c'est tout ce qu'on sait, ça a été enregistré pendant la tournée 2019, point barre. Donc avec un peu de chance, c'est peut-être été enregistré à Tours, qui sait. Donc ce live, bah, qu'est-ce qui regroupe? Bah, les classiques, bien évidemment, puis quelques titres du dernier album, comme par exemple ce Kite Fight Over a Dog Like Me, qui ouvrait le concert. Ladies and gentlemen, please welcome the Stray Cats! Two hot t-shirts, bar and grill. Got two tussles like beggars will. Out of the bar to the parking lot. Busting and cussing on what I got from the parking lot. Shout and slam it on the holes and drag. Ooh, can I turn stay. I heard a place is open all night and all day. There's a place you can go where the cops don't know you. Only 15 and you can't get a job. Running through the luncheonette, shoot a few games. Lose it all becomes, but it's always the same. So you look up a couple of bucks to buy a new toy. Slip into the alley with the runaway boys. Runaway boys. Running faster, faster all the time. Ça, ça fait toujours du bien. Le classique Runaway Boys des Stray Cats. Juste avant, Cat Fight Over a Dog Like Me, qui est extrait du dernier album studio 40. Et tous deux extraits du Rocked This Town from LA to London, le dernier live des Stray Cats. C'était donc la dernière nouveauté de la soirée. Et il va être temps de se quitter, mais on va se faire un dernier morceau. Et pour ça, on va rester toujours en live et on va revenir au live de Metallica avec le Symphony Orchestra de San Francisco, le SNM2 qui est sorti donc au mois de septembre, dont on vous a déjà passé quelques extraits. Et Metallica, sur cet album, ne s'est pas contenté de reprendre ses morceaux à lui avec l'orchestre qui amplifie la puissance. Non, il a voulu faire un petit peu autre chose, comme par exemple se frotter au répertoire dit classique, par exemple. Il s'est frotté au répertoire de Alexandre Vassilievitch Mozolov, compositeur russe, enfin soviétique, né en 1900 et mort en 1973, qui était un peu l'égérie du compositeur à l'époque des années 20, avant de tomber en disgrâce sous Staline. Et en fait, il avait composé une musique qui était, on pouvait quasi appeler industrielle, très moderne pour l'époque. Et je trouve que le son de Metallica avec l'orchestre sur ce morceau le plus célèbre, je vais pas vous parler plus que ça de Mozolov, après on n'est pas à Classic Shock, on est à Electric Shock, hein, je vous rappelle. Et son morceau le plus célèbre, c'est The Iron Foundry. Et on va vous envoyer ça pour terminer Electric Shock ce soir. The Iron Foundry, opus 19, extrait de SNM2. We'll be right back. The Iron Foundry Opus 19, reprise du compositeur russe Alexander Mozolov. C'était Metallica et le Symphony Orchestra, donc extrait du CD-DVD SNM 2 sorti au mois de septembre. Et voilà, c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock. Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, où il y aura encore, bien sûr, d'autres nouveautés, d'autres découvertes, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel. Bien sûr, et on se redit à mardi prochain. Salut à tous! 10 da noite e às 6 horas da manhã, mas claro que o trânsito não será cortado na ponte 25 de Abril, mas durante este horário, entre as